matin dans la job. L'époque des requins des Lacoste. En un clin d'œil je la coste. En un coup de fil je peux la doter. Pièce 31, pièce sur ton fixe. Loin de l'époque de Netflix. Tu seras pas ma Laurie Harvey. Ton ex t'a mis à la porte. J'te traiterai pas de la sorte. Sois ma baby, sois mon trophée. Maintenant tu l'as deviné. Bien sûr qu'on va doguiner. Elle m'a dit non, j'veux plus de soirée sans toi. Elle a crié mon nom, elle a fini sans voix. Elle me dit conduis-moi loin du chemin des sentiments. Elle veut rider toute la nuit. On fait les bails dans le TO2. C'est toi et moi toujours à deux. Et sur le jour fais-moi P2. Donne-moi ton cœur, j'vais le piloter. Pas d'assurance contre le bleu. Pas d'assurance contre le bleu. On fait les bails dans le TO2. Ton cœur, j'vais le piloter. Elle veut rider toute la nuit. Laisse-moi réaliser tous tes rêves. Bébé, dis-moi ce qui t'intéresse. Tu veux la bague, la lune de miel ou les quatre anneaux du RS. J'suis dans la pénombre, dans les ténèbres. Septième ciel, tu veux que j't'élève. Tu veux Birkin, j'vais t'acheter ça. Ta paire est sale, se mêle comme tes rêves. Veux mon cœur, elle veut mon temps. Ce soir, j'y vais pas à plan. J'ai déjà single de diamant. J'ai du roro sur les dents. 9, 1, 4, 5, c'est le clan. Elle veut une deuxième mi-temps. Elle veut aussi ma CP. J'paye sans connaître mon temps. Toujours une mélodie, c'est une maladie. Elle voudrait que je t'aime, j'ai du mal à le dire. Elle me dit conduis-moi loin du chemin des sentiments. Elle veut rider toute la nuit. On fait les bails dans le PO2. C'est toi et moi toujours à deux. Donne-moi ton cœur, j'vais le piloter. Pas d'assurance contre des bleus. On fait les bails dans le PO2. Toi et moi toujours à deux. Donne-moi ton cœur, j'vais le piloter. Elle veut rider toute la nuit. Donne-moi ton cœur.